جاني يوم جاني اللي فينا قول وكلامي ماشي فاني فاني يا كل ما جاني يوم جاني اللي فينا قول يا قولي ما تخطاي تلي غير صواب شي الودان خدي الريح وما قوي ونس في غرس الكلام يفتح في الغصان يكفيني النوم يكفيني نكتوم يكفيني النوم يكفيني نقول كلام به نملا ديوان وكلامي ماشي فاني فاني كل ما جاني يوم جاني اللي فيه أنا قول وكلامي ماشي فاني فاني كل ما جاني toujours l'heure internationale. C'est une émission qui parle d'actualité internationale, qui fait une revue de l'actualité du monde en 60 minutes. Alors, durant les pauses musicales, j'ai essayé de contacter Marie-Andrée Gauthier, une étudiante de communication sociale avec qui j'ai étudié, qui est présentement en Algérie pour faire un stage de communication sociale, justement. Mais la ligne était très mauvaise. Alors, au niveau du son, on n'a pas réussi à s'entendre. Et ben, on va essayer, dans le fond, de relayer là, cette entrevue-là, probablement à la prochaine émission, où on va essayer de la faire en différé durant la semaine grâce à une technologie comme Skype, peut-être. Donc, j'ai quand même quelques nouvelles en rafale, en fait, à donner. Une initiative, et c'est un auditeur, en fait, qui est présentement sur la page Facebook de Heure Internationale, car oui, on est technologique, on est sur Facebook, qui me fait part d'une initiative de Google et Twitter, car on sait, en Égypte, la semaine dernière, le gouvernement de Moubarak a littéralement débranché Internet. Donc, quand on dit débrancher, c'est vraiment... donc, il a déconnecté le réseau. Alors, personne ne pouvait se connecter sur Internet, utiliser les téléphones portables. Ça devient très, très difficile. Et le but de ça, en fait, c'est de un peu contrer la mobilisation qui se faisait en partie, en grande partie, par les réseaux sociaux, comme les Twitter, les Facebook, ces choses-là. Alors, on voit un peu l'impact que les médias sociaux peuvent avoir dans un pays comme celui-là. Ça change un peu la donne. Et puis, ben, en fait, il y a une initiative que Google et Twitter lancent ensemble. Ça s'appelle Speak to Tweet. Speak to Tweet, donc parle pour tweeter en français. Et dans le fond, ça vise à contourner le blocus des communications qu'il y a présentement en Égypte. Le concept est assez simple, donc c'est rudimentaire. Vous prenez un téléphone, en fait, les Égyptiens peuvent prendre des lignes téléphoniques standards, conventionnelles, terrestres. Ils téléphonent à des numéros de téléphone gratuits fournis par Google et Twitter. Et puis, ils peuvent enregistrer un court message. Ce court message-là, automatiquement, va se tweeter de lui-même dans, sur la micro-blogosphère. Donc, les messages vocaux se transfert en tweet écrit. Alors, par ça, on peut contourner, en fait, le blocus du fait qu'on ne peut plus se connecter à Internet. Et, en fait, le but de ça, c'est de pouvoir continuer à donner de l'information au reste de la planète, à savoir comment la situation évolue et puis comment les choses se passent. Donc, Speak to Tweet. Si vous êtes sur Twitter, justement, avec le hashtag qui est le dièse, en fait, Speak, le chiffre 2, Tweet, vous allez pouvoir en fait avoir accès à ces dialogues-là qui proviennent d'Égypte. Et pour être allé faire un tour sur cette page Twitter-là hier, c'est vraiment très intéressant comme initiative et surtout aussi de la part de compagnies comme Google et Twitter qui décident finalement de prendre part à l'action, de s'en mêler. C'est très intéressant comme initiative et probablement qu'il y en aura d'autres parce qu'il y a eu une grande mobilisation sur le web là, de tous les nerds, geeks, pirates informatiques, etc., là, qui sont mobilisés durant la semaine dernière pour essayer, dans le fond, de trouver des manières là, finalement, de contourner le blocus imposé par le gouvernement égyptien. Une autre nouvelle intéressante, plus locale, canadienne, Yann Martel, donc on connaît l'auteur notamment de Histoire de Pi, des choses comme ça. Lui, il avait une correspondance assez spéciale, à sens unique en fait, avec le premier ministre du Canada, M. Stephen Harper. Et puis, dans le fond, il lui envoyait à toutes les deux semaines, trois semaines environ, il lui envoyait un livre. Issu de la littérature. Là, ça pouvait être une œuvre de théâtre, une œuvre de littérature, de poésie étrangère, canadienne, québécoise, francophone, anglophone. Et le but de ça, en fait, c'était de faire connaître la lecture, faire apprendre à aimer la culture à notre premier ministre Stephen Harper. Et à chaque fois, il accompagnait ce livre-là d'une lettre, en fait, qui expliquait pourquoi lui a trouvé que cette œuvre-là était marquante et pour pouvoir, en fait, l'aider à décortiquer un peu le sens de l'œuvre, où est-ce que cette œuvre-là s'en va. Alors, l'initiative était quand même intéressante et faut dire qu'il y a eu beaucoup de patience, Yann Martel, car la nouvelle, c'est que cette semaine, il mettait fin à son envoi. Il a envoyé sa dernière œuvre, il a envoyé une dernière œuvre à M. Harper. C'était la 100e de la série. Donc, depuis l'accession au pouvoir, là, depuis avril 2007, M. Yann Martel, dans le fond, qui envoyait à tous les deux, trois semaines une œuvre comme ça, Stephen Harper. Et là, il met fin à sa correspondance, mais en fait, c'est à sens unique, avec Stephen Harper, en envoyant la pièce de Wajdi Wawad, Incendie. Et intéressant, dans le fond, parce que Incendie, qui vient d'être nominé aux Oscars, alors il y a un principe de pertinence là-dedans. J'imagine que M. Harper va être enthousiasmé de lire ça, ou en tout cas, il doit avoir quelqu'un dans son cabinet qui s'est garni une bibliothèque, parce qu'en regardant le nom des œuvres qu'il y a là-dedans, il y a des œuvres très intéressantes. Moi, j'en suis jaloux, en fait, j'en suis jaloux des cadeaux que M. Martel offrait à M. Harper. Il faut savoir qu'il n'y a jamais eu de réponse hein, à ça, à part quelques accusés de réception qui provenaient là, du secrétariat ou de l'attaché, etc. Mais M. Harper n'a jamais réagi à cette série de lettres, là, d'une centaine de lettres et de livres qu'on lui a adressés. Et M. Martel, dans l'article du Devoir cette semaine, semblait dire que probablement il va faire une espèce d'édition avec la centaine de lettres qu'il a fait, qui devient encore plus assez intéressant. Là, pour quelqu'un qui s'intéresse un peu à la littérature, là, c'est fascinant. Alors, oui, une drôle d'initiative, en fait. Comme quoi les artistes en fait souvent se mêlent et surtout depuis que M. Harper est là, j'ai l'impression que les artistes s'en mêlent beaucoup et ça donne souvent des mobilisations comme celles-là qui sont intéressantes, qui sont originales, cocasses. Donc, en terminant cette émission, j'ai pas encore eu l'occasion de vous parler de la campagne stoppons-les-dépenses-militaires.com. Ça, c'est une campagne qui est menée de front par le Comité de solidarité Trois-Rivières depuis maintenant, depuis 2009, ça fait un an et demi environ que cette campagne-là elle est en ligne. Donc, c'est stoppons-les-dépenses-militaires.com. Le titre dit tout. Et cette campagne-là, en fait, ce qu'elle dénonce, c'est l'augmentation année après année depuis l'accession au pouvoir des conservateurs en 2006. À chaque nouveau budget, on augmente systématiquement le niveau des dépenses militaires. Et là, on ne parle pas de petites augmentations, on parle d'augmentations assez juteuses. Et dans le fond, le but de la politique canadienne, on a pu voir ça dans le document Le Canada d'abord, c'est d'augmenter au cours des 20 prochaines années le budget militaire pour y dépenser au total 490 milliards de dollars. Donc, c'est beaucoup d'argent. Le but, c'est de faire passer le budget militaire qui était à environ une hauteur de 14-15 milliards de dollars en 2006, quand Harper est arrivé au pouvoir. Et dans le fond, le but, c'était quasiment le doubler, donc de le rendre en 30-31 milliards environ d'ici une vingtaine d'années. Donc, d'ici 2030, en fait, c'est d'atteindre ce chiffre-là. Maintenant, la campagne du Comité de solidarité Trois-Rivières, qui est une petite ONG, en fait, qui travaille en coopération internationale, qui travaille aussi en lien avec un tas d'autres organismes communautaires en Mauricie, c'est de dire, bien, est-ce que chaque dollar, en fait, qui est dépensé dans le militaire, dans ces budgets-là, c'est un dollar qu'on pourrait mettre ailleurs, dans une autre sphère de l'économie, dans une autre sphère de l'intervention publique? Et qu'est-ce qu'on pourrait faire, en fait, avec cet argent-là? Parce que... Et là, on a fait un exercice qui était très intéressant. L'automne dernier, on a convoqué les organismes de la Mauricie. Donc, on avait une vingtaine d'organismes, environ 20-25 organismes, qui ont rédigé de courts mémoires, en fait, et qui disaient, dans leur secteur d'activité, qu'est-ce qui serait possible de faire avec un milliard de dollars? Et ça a été extrêmement intéressant. Vous imaginez bien, là, donc, les organismes qui travaillent en environnement, comme eux, ont parlé peut-être d'améliorer le transport en commun, lier les grandes villes avec des trains électriques, l'électrification justement des transports en commun, même inter-ville, des initiatives super intéressantes qui, même économiquement, seraient vraiment bonnes pour le développement. On avait des organismes, par exemple, de lutte à la pauvreté qui parlaient de programmes d'alphabétisation, qui parlaient de... augmenter les prestations d'assurance chômage, de bien-être social, des choses comme ça. Diminuer la faim, les jeunes qui ont faim. Il y a un paquet de secteurs d'intervention, en fait, où ces dollars-là pourraient être dépensés. Et ce qui ressortait aussi de cette consultation-là qu'on a fait, qu'on a appelé, dans le fond, le sommet sur la réduction des dépenses militaires, une des conclusions, en fait, qu'on en tire de cet exercice-là, c'est que strictement pour l'économie, en fait, chaque dollar qui serait dépensé dans le secteur civil de ces dollars-là, en fait, fructifierait au niveau économique et au niveau social aussi, parce que ça donnerait des services à des gens, ça éduquerait les... Par exemple, on peut penser à un F-35, donc les avions de combat dont on parlait au début de l'émission, qui sont assez douteux au niveau et des appels d'offres et du prix qu'on nous dit qu'on va le vendre, etc. Donc, ça se chiffre autour de 100 millions environ, sur les estimés qu'on a pu faire, ces appareils-là. Donc, c'est un chasseur F-35. Maintenant, ça coûte 100 millions de dollars, un chasseur F-35. Par exemple, dans le mouvement étudiant, on nous a dit qu'avec 4 de ces chasseurs-là, donc le Canada en a commandé déjà 65, et avec seulement 4 de ces aéronefs-là, on pourrait financer la gratuité scolaire pour l'ensemble des universités québécoises. Donc, et ça, on parle de gratuité scolaire là, à hauteur de 400-500 millions. C'est intéressant. Il y a plusieurs pistes comme ça. Et dans les prochaines semaines, en fait, on risque de pouvoir aborder ces sujets-là à l'émission Heure internationale, car il va y avoir un dépôt de budget fait par le gouvernement fédéral. Et on va, à ce moment-là, faire d'autres liens comme ceux-là. Et la proposition du Comité de solidarité Trois-Rivières dans cette campagne-là, c'est pas de réduire le budget militaire à zéro. L'idée, c'est de ramener le budget à la hauteur en dollars courants. Là, donc, on va moduler selon l'inflation. Mais ce serait de ramener à la hauteur que le budget était en 97-98, au moment où les soldats canadiens ne participaient seulement qu'à des missions de l'ONU, en fait, des missions de paix, et qu'on n'était pas impliqués dans des conflits de guerre. Et aussi, bien, c'est un peu après la guerre froide, donc on n'était pas dans le temps des budgets de la guerre froide où, là, le Canada dépensait beaucoup d'argent. Ce qui ferait que le budget militaire canadien pourrait se chiffrer, selon ce qu'on revendique dans cette campagne-là, autour de 11 milliards de dollars plutôt que 21,3 présentement. Donc, ça libérerait 10 milliards de dollars. De quoi résorber le déficit qu'on a présentement au Canada, de quoi investir aussi, parce qu'on nous dit toujours qu'on n'a pas d'argent, de quoi créer de l'emploi, de stimuler des initiatives vertes, écologiques, équitables, des partenariats, hausser la coopération internationale. Donc, il y a plein de choses à faire. Si vous voulez en apprendre plus sur la question des dépenses militaires, sur la campagne Stoppons les dépenses militaires, vous allez sur stopponslesdépensesmilitaires.com et là, il va y avoir une pétition, des outils, en fait, des textes. Il y a une revue de presse qui se fait quotidiennement avec tous les enjeux, en fait, sont décortiqués là-dedans. Alors, suivez cette campagne-là, intéressez-vous à ça et même, dans le fond, on est sur Facebook avec Stoppons les dépenses militaires, donc vous pouvez suivre la page et quotidiennement les mis à jour. On est aussi sur Twitter avec Solidarité TR. Donc, c'est le comité de solidarité. Et dans le fond, ben oui, je vous invite à suivre tout ça. Pour suivre l'heure internationale, vous allez sur heureinternationale.wordpress.com et vous pouvez suivre, en fait, chacune de nos émissions en version balado-diffusion. C'est tout pour cette semaine. Mon nom est Alexandre Gauthier et c'était l'émission L'heure internationale présentée par le comité de solidarité Trois-Rivières ainsi que la radio C'est fou 89.1. Alors, je vous souhaite bonne semaine et on se revoit la semaine prochaine pour l'heure internationale. حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي عاشق بقالي سنين ولا غيرك في بالي حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي عاشق بقالي سنين ولا غيرك في بالي Sur les ondes de C'est fou, voici maintenant le bulletin de nouvelles de la première chaîne de Radio-Canada.